neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro La Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. Vous étiez à l'écoute de la Bistro La Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro La Pinothèque, c'est les derniers mercredis de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Bonjour et bienvenue à la Distro La Pinothèque de ce mois de septembre 2021. Alors aujourd'hui, nous sommes contre. Nous sommes contre la résilience. Nous sommes contre la gentrification. Contre et recontre. L'année académique commence bien. Dans un premier temps, Titi et Dylan vous présenteront une interview exclusive de Mathieu Van Kriekegem à propos de son ouvrage « Contre la gentrification, convoitise et résistance dans les quartiers populaires ». Ce livre est paru le 29 janvier 2021 aux éditions La Dispute. Alors ça causera sans détour de gentrification en général, mais plus particulièrement à Bruxelles, en passant par le quartier du Canal et ses tours d'habitation qui tentent d'envahir les quais, les marolles qui résistent grâce aux logements sociaux, en passant également par le quartier Evrard, qui refuse de déloger ses voitures d'occasion en périphérie. Nous irons aussi à Tour et Taxi et sa gare désaffectée. En deuxième partie, moi je vous présenterai le livre « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs », qui est un livre de Thierry Ribaud, qui est paru en mars 2021, aux éditions de l'Échappée. Vous avez certainement entendu parler de résilience, terme de plus en plus usité, qui représente un petit peu la capacité dont nous devons tous et toutes être capables de faire preuve en ces temps de traumatisme individuel et collectif, en ces temps où la seule issue semble être de nous adapter. Alors nous adapter, toujours plus, à ce monde qui change, mais pour notre bien. Et oui, et oui. Très bonne écoute. La péniche s'en va, tranquille au fil de l'eau, dans la campagne encore, engourdie de sommeil. Ma péniche s'en va, et les arbres badauds défilent lentement dans le premier soleil. Villages entrevus, mais dont je ne sais rien, un mot clocher son nom, sans foi redécouvert. Chacun vient à son heure et j'aperçois au loin le café de l'écluse avec ses volets verts. Un signe de la main là-bas sur son vélo s'éloigne en sifflotant l'ouvrier matinal. Et ma péniche suit tranquille au fil de l'eau son bonhomme de canal. S'en vient, les enfants grandiront et viendront les amours. C'est ma vie qui s'en va, c'est de vie qui n'est rien qu'un voyage au long jour. Bonjour Mathieu, bienvenue dans l'émission de la Distro Lapinothèque. Alors nous allons discuter de votre livre « Contre la gentrification » sorti récemment aux éditions La Dispute. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par « gentrification » non pas tant dans l'origine du terme, mais ce qu'il signifie et dans ce qu'il permet d'analyser concrètement. D'abord, bonjour. Donc, ce que j'entends par gentrification, c'est un terme pour désigner toute forme de réaménagement d'espace populaire en espace à l'avantage de classes moyennes ou supérieures et à l'image de ces groupes plus dominants. Donc, ça c'est le sens générique, je dirais, que je donne au terme gentrification, qui peut ensuite recouvrir des formes très très diverses d'une ville à l'autre, ou même d'un quartier à l'autre, d'une même ville. Mais je l'utilise parce que, au-delà de décrire quelque chose, une transformation parmi toutes les transformations qui se passent dans les villes, ça me permet de lier questions urbaines et classes sociales, donc lier questions urbaines et rapports de domination, rapports de pouvoir, et en particulier essayer de mettre le doigt sur la capacité ou le pouvoir qu'ont certains groupes de remodeler des espaces qui ne sont pas leur image au départ, en espaces qui le deviennent par une série d'investissements, de politiques publiques, ou même de discours, de représentations symboliques. Et donc voilà, c'est ce pouvoir sur l'espace de groupes socialement dominants que le terme de gentrification, le concept de gentrification permet de pointer, dont il permet de parler. Et donc ça s'inscrit plus largement dans une volonté, en quelque sorte, de politiser en fait les questions urbaines, qui généralement le sont très peu. Donc dans les médias habituels ou même dans la langue des gouvernements, les questions de réaménagement de quartier, ça arrive vite sur des questions technique, technocratique, le plan machin, le plan truc, telle règle, telle loi, tel permis, etc. Donc ça, très focalisé à ce moment-là sur des discussions techniques qui ne sont finalement accessibles qu'aux techniciens, ou alors on glisse vers du langage qui mêle marketing et morale, quoi. Donc c'est la revitalisation des quartiers, qui est à la fois un terme marketing pour essayer de vendre des politiques de transformation de quartier, et en même temps moralisateur, parce que bon, qui peut être contre la vie, quoi. Revitaliser, c'est nécessairement, on ne peut qu'être en phase avec ça, on ne peut pas être contre une revitalisation, parce que ça voudrait dire quoi, qu'on est pour la mort, les ténèbres, je ne sais quoi. Donc c'est ce mélange de marketing et de morale qui est très souvent à mes yeux le bain dans lequel les questions urbaines sont traitées. Et avec la gentrification, on essaye de parler de ces questions sous un angle beaucoup plus politique, c'est-à-dire qui gagne, qui perd, qui investit, à l'avantage de qui, au détriment de quoi, qu'est-ce qui est gagné, qu'est-ce qui est perdu, et quels sont les rapports de force, les rapports de pouvoir qui font que ça se passe comme ça et pas autrement. Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez pu cerner, des catégories qui permettent de dire « oui, tiens, ça c'est un phénomène qu'on peut appeler de type gentrification », je dirais pour le différencier d'un changement, parce qu'il y a des changements qui arrivent dans la ville et qui ne sont pas spécialement de la gentrification. Par contre, il y a certains éléments que vous avez pu cerner dans le développement de votre livre et de vos recherches qui permettent de qualifier, de dire oui, là vraiment, on est en présence de différents éléments qui permettent de dire il s'agit de la gentrification. Oui, on peut identifier des critères, si on veut, pour identifier de manière concrète. Un premier critère, c'est de regarder des espaces dans lesquels des investisseurs qui ont pignon sur rue n'investissaient pas leurs capitaux, et puis à partir d'un moment, pof, ils le font. Donc par exemple, typiquement, la zone du canal à Bruxelles, il y a 10 ou 15 ans, il n'y avait pas de grands investisseurs financiers dans l'immobilier résidentiel qui allaient produire du logement moyen, haut de gamme, voire très haut de gamme, le long, parce qu'ils se disaient, ben là, je ne vais jamais trouver de clients si je vais faire ça là-bas. Aujourd'hui, ils se multiplient, il y en a toute une ribambelle. Donc ça, c'est un critère déjà important. Un autre critère, c'est le détriment, je veux dire, c'est-à-dire le fait que ces transformations-là, elles ne se font pas, enfin, ces investissements, ils ne se font pas sur une page blanche, ils se font sur des espaces qui ont une histoire, qui sont habités de manière diverse. Et donc, ces réinvestissements vont de pair avec différentes formes de dépossession des lieux pour toute une série d'autres usages. Et la première, enfin, une des formes de dépossession, c'est que ces lieux deviennent inaccessibles financièrement à l'état d'habitants, mais aussi à des entreprises qui peuvent pas, par exemple, s'agrandir parce qu'ils devraient pour ça acheter le bout de terrain qui est à côté de leur entreprise, mais le bout de terrain a tellement augmenté que c'est pas possible. Donc ça, c'est un deuxième critère important, c'est les dépossessions, donc, et qui peuvent prendre différentes formes. C'est pas simplement... la première auquel on pense, c'est le locataire qui voit son loyer doublé et qui peut pas rester parce que c'est trop cher, c'est devenu trop cher, il doit partir. Ça, c'est un mécanisme, mais il y a des formes de dépossession qui sont tout à fait différentes. Par exemple, quand un quartier devient cher, un quartier populaire devient cher, les quartiers populaires, ce sont souvent les portes d'entrée dans la ville pour toutes les catégories de personnes qui n'arrivent pas en ville avec un portefeuille bien garni, que ça soit des étudiants, des artistes, des immigrés, des sans-papiers, tout ce qu'on veut. Si ces espaces-là deviennent des espaces gentrifiés, c'est comme si la porte se ferme, quoi, ou la porte devient il faut trouver d'autres portes d'entrée dans la ville. Et puis encore des dépossessions, je dirais plutôt liées à la vie quotidienne, c'est-à-dire vous êtes même si vous êtes propriétaire de votre vous êtes dans un logement social, donc votre loyer va pas suivre l'évolution du marché. Mais si les commerces autour de vous, dans lesquels vous avez l'habitude de faire vos courses, de rencontrer des gens, ils sont remplacés par des bars branchés ou des antiquaires, vous êtes dépossédé de votre environnement de vie, mais pas nécessairement de votre logement, mais de l'environnement de votre vie qui est essentielle à la vie et qui donc c'est aussi une forme de dépossession. Donc je dirais pour vraiment mettre des critères, on peut essayer à la fois suivre les investissements dans la ville où sont les zones où en gros l'immobilier a ses antennes, disons, et puis de l'autre côté regarder l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire regarder les dépossessions. Douceur de bitume, au goût amer de l'amertume. Même averti, on s'évertue à vivre entre thunes, vices et vertus. On trône sur des vestiges, toujours ce drôle de vertige. tendresse du prestige, douceur de piture. On est des princes de la ville, et nos princesses de nos vies, on les traite comme des chiennes. Dire je t'aime est devenu dangereux comme le sida. Chaque prière se termine par des amis dada. Innocents, les mains en sang comme des enfants soldats, on joue en tenant le monde en joue. Un monde qui ne veut pas rendre les rêves volés à nos parents. Nos rues se sont construites de tant de murs de lamentation. Pavé après pavé, on a fini par paver nos quartiers de bonnes intentions. Couleur gris béton, douleur rire fête-t-on à coups de canon. Le début ou le déluge, c'est selon. Selon ce qu'on cache dans nos poches ou dans nos salons. On pioche un peu partout pour sortir de nos cages. Otage d'un entourage où trop souvent tout s'achète et tout se vend, même le bonheur en petits sachets. Douceur de bitume, au goût amer de l'amertume. Même averti, on s'évertue à vivre entre thunes, vie ses vertus. On trône sur des vestiges, toujours ce drôle de vertige. L'ivresse du prestige, douceur de bitume. La douleur de nos gens n'égale pas la couleur de l'argent. Le gagne-pain s'improvise à chaque coin, pourtant ça tourne en rond. Cercle vicieux, sale et visqueux. Sans un rond, le paradis nous paraît loin et interdit. Y'en a marre de faire du lèche-vitrine. Tu te débrouilles ou bien tu restes victime. Y'a pas de entre-deux. Si on s'entretue, c'est pour être Dieu. Au milieu de nulle part, à milieu de tout. Harmonie, mélodie du chaos, les pieds dans la boue. Malgré la météo, on sait comment rester debout. Parfois le goût du risque, parfois le goût du luxe. Entraînés autour, rien. Entre nous, on est des loups, la meute a faim. Et les miettes ne vont pas nous rassasier. Nos limites se dessinent à la craie comme des gimmicks de scènes de crime. Douceur de bitume, au goût amer de l'amertume. Même averti, on s'évertue à vivre entre thunes, vie ses vertus. Toujours ce drôle de vertige, l'ivresse du prestige, douceur de bitume. Vous êtes à l'écoute de Mathieu van Kriegingen sur son livre « Contre la gentrification ». Alors, on en parlait justement juste avant. Dans le livre, vous revenez sur l'exemple du canal. Mmh. Est-ce qu'on peut un peu plus développer donc l'histoire aux alentours du canal, donc avec tour et taxi, la construction de cette méga-tour connue sous le nom de Upside, la transformation du garage Citroën en musée d'art moderne. Donc, je dirais un peu quelle était l'histoire de ce quartier en termes d'habitat et de production. Et puis les transformations assez récentes qui sont toujours en cours d'ailleurs. Oui, donc le canal à Bruxelles, c'est un élément structurant de la ville depuis très longtemps. En fait, c'est il faudrait dire les deux canaux, puisqu'il y en a un entre Bruxelles et Anvers, qui date du XVIe siècle, et puis l'autre, entre Bruxelles et Charleroi, c'est 1830. Donc un canal industriel vers le sud, un canal commercial, marchand, vers le nord, qui ont à un moment donné été couplés l'un à l'autre, pour ne faire plus qu'un seul canal. Et avec aujourd'hui l'essentiel du trafic de marchandises ayant lieu sur la partie nord, donc entre le port d'Anvers et Bruxelles, puisque, comme tout le monde sait, les mines de Charleroi, les mines du Hainaut ont fermé depuis un petit temps. Et donc il n'y a plus de charbon qui arrive à Bruxelles par le canal. Même si c'était ça l'objectif principal au départ. Donc c'est un canal industriel, commercial, c'est un canal aussi ouvrier, quoi. C'est un canal où ça n'a jamais été une sorte d'agrément pour la promenade ou pour, à quelques exceptions près, ça a toujours été une voie de travail, de marchandises, etc. Et donc il traverse Bruxelles par son centre, et qui marque en même temps la bordure ouest de la ville du Pentagone, donc de ce qui est classiquement considéré comme le centre historique de Bruxelles, la ville du Moyen-Âge, disons. Donc ça, c'est un peu pour les éléments historiques, et ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années plutôt, c'est des efforts vraiment importants de la part, en particulier du gouvernement régional bruxellois, ou des gouvernements régionaux bruxellois successifs, pour transformer cette zone. Transformer cette zone et vers des usages plutôt résidentiels, mais aussi festifs, culturels, touristiques, consommation. Alors comment ça s'est fait, cette transformation? Elle ne se fait pas toute seule, elle s'est faite par des changements des plans de zonage, c'est-à-dire ce que sur chaque parcelle on peut ou on ne peut pas construire, donc ça, des transformations du plan régional d'affectation des sols, première chose, des transformations en termes d'équipement, c'est-à-dire qu'il y a toute une série les pouvoirs publics ont financé toute une série d'équipements. Donc les derniers en date, c'est des passerelles sur différents endroits. Mais vous avez des réinvestissements dans les quais, dans des parcs, des espaces verts le long. Ou alors, et le plus spectaculaire aussi, étant ce musée d'art moderne et contemporain, donc le fameux musée canal, canal Centre Pompidou, son nom complet, donc ouvert, qui est en travaux et qui va ouvrir donc dans cet ancien garage Citroën au pont Sainte-Thelette, et qui est un investissement de 250 millions d'euros. Donc c'est pas... On est dans du gros investissement, et c'est 250 millions d'argent public. Et puis le dernier levier, je dirais, pour opérer cette transformation, c'est le levier symbolique. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment toute une série d'efforts qui sont faits, pour changer l'image, changer le regard des Bruxellois ou des non-Bruxellois sur cette zone de la ville, et justement casser cette idée que le canal égale zone industrielle, égale... si on ne travaille pas là, on n'a rien à y faire. Le canal, non, comme zone attractive pour différents loisirs, pour des visites, ou pour y habiter, ou pour aller au musée, ou pour aller dans un festival, ou pour aller boire un verre, ou peu importe. Et donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau symbolique, et qui passe par des campagnes d'image, des trucs sur le canal de Bruxelles à son compte Facebook et son compte Twitter, où le canal communique en disant « venez me voir » en quelque sorte. Et vous avez comme ça toute une série de recodage symbolique quoi qui s'opère. Donc si vous mettez ensemble l'aspect juridique avec les transformations des règles d'utilisation du sol, plus l'aspect équipement, plus l'aspect symbolique, en fait vous avez mis en place les conditions pour que la gentrification se passe, pour que des investisseurs viennent se dire c'est là qu'il faut maintenant investir parce que c'est là que ça se passe, parce que c'est là que le gouvernement ou les pouvoirs publics bruxellois ont mettre le paquet pour une transformation de l'espace. Et puis en plus c'est là parce qu'il y a aussi des terrains disponibles qu'on peut racheter à des occupants qui étaient là avant. Donc tout ça mis ensemble fait que le canal est vraiment une zone dans laquelle la gentrification est vraiment sensible, mais avec la particularité que vraiment il y a un rôle absolument décisif et crucial des pouvoirs publics dans l'affaire. Ce n'est pas simplement des décisions d'investisseurs privés qui, dans leur conseil d'administration, ont décidé que, même si bien sûr il y a des investisseurs privés qui sont dans la danse, hein. Donc la tour et taxi par exemple, là ben, voilà, on parlait tout à l'heure d'un des critères de réinvestissement de quartiers populaires, où ben, c'est clair que tour et taxi en est sans doute l'exemple le plus frappant ou le plus massif, puisque hein, le site est entièrement redéveloppé pour le moment par un promoteur qui en détient, qui est propriétaire de tout le site, hein, qui est Extensa. Extensa est une filiale de Ackermans et Van Aaren. Cette dernière étant une société cotée au Belvint, à la Bourse de Bruxelles. Donc c'est en quelque sorte le grand capital belge, quoi. Donc à l'échelle internationale, c'est du petit capital, mais à l'échelle belge, c'est grand. Et donc c'est plus un petit indépendant ou un petit entrepreneur qui va ouvrir un magasin ou ceci. Là c'est carrément une grosse holding financière qui décide d'investir sur ce terrain-là en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, même s'il y a une série de tensions et de conflits entre la ville, la région et le promoteur parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Mais au moins ils se rejoignent sur l'idée de promouvoir le réinvestissement de cette partie-là de la ville, et un réinvestissement pour le coup vraiment, vraiment haut de gamme, parce que tour et taxi là s'est occupé à devenir, enfin c'est écrit d'avance, hein, c'est une sorte de bulle de quasi-luxe quoi, dans un environnement où les problèmes sociaux, où les problèmes de logement, où les besoins en termes d'équipement public sont énormes en fait. Tout le quartier autour, il y aurait. Ben... Donc voilà, c'est un peu ça qu'on pourrait dire sous le canal. Enfin, on peut encore dire plein d'autres choses, mais. Nemo in the Silver Land, cause I got the real shit with a mic in my hand. I don't dream, no, I never sleep, hermano. Pensando siempre, working in the studio. The barrio sound es mi concept. Underground, mi estilo latino. Lo tengo, lo soy. Es mi sangre de puta madre. Yeah, como el poder de mi lingo when I'm talking about my crew. It's like a drop by shooting with a 22. Es todo, oh yes, es normal. González es el nombre que va a te fermar. Culos y puteas lo que digo, like a journalist. No soy un mensajero, hablo solo with my tongue twist. Check one, two, uno, dos, el micrófono mío. Freestyling, freestyle, nigga, yo. Soy blanco y proud of mi barrio. The street life is the only life I know, es mi destino. My mommy when I'm sick, te hablo de mi onda, my click. Esto es la Honda y nigga mean a Ponty the first man, cause he's real and he's slam like an hooligan. Hey, I'm there with my crew. No one does solo pull out your back full of weed. Hermano, cause we must to be in studio every day. I real loco to make el voodoo pick the DJ. Extra large dope, excel, la música fuerte. Concepto de puta madre, charlando de la calle. La vida nuestra, the street experience. Soy un real writer de mí, mi mano son spray guns. Pylons, pintando paredes en el rock con mis tripas. Soy el motherfucker, we know so the hold. Hasta funky Buddha head, you set conmigo. Canta melody on the air, amigo. Estos son mis hermanos de puta madre. Los tres que somos, más el DJ. Aquí es el universal, Flashman Hispanic. I represent the Honda, my click, hermano. Hablamos de la vida, la que yo vivo en el 55 crew. Me llaman da primo, no del primo. Cause I'm lodging in mi cama with the C pa' mi chica. Love ya, back to the click ahora. The business, Rixi, Rixi, Red One, man a mi derecha. So what you want mi micrófono? No, no, es mío, intenta cogérmelo. Miras hasta aquí con primera. The P-R-E-M-E-R-A. Muclis, Misty, mi hermano Monteiro. De puta madre, Rumi, Dubi y Mozato. DJ Meres y su hermano BG Rock. Iremos lejos, from the bottom to the top. Esto te lo digo si te pone atención. Si quieres pillar una palabra del pollón, sí. The peace coming back. The iron ticks like shark in James Bond. Pero mano al final, hermano, el Glock en mi mano. Y le digo primero, Ezekiel 25-17 like Jules. I'm the lord of the lord. Y después disparo. Es mi película, I put my shit. A toco pa' la Honda, my click. Strictly body or sound. Vous êtes à l'écoute de Mathieu Van Kriegingen sur son livre Contre la gentrification. Alors dans le livre, dans votre livre, on voit aussi à un moment donné, vous parlez de, je dirais, la capacité par l'existence même d'une certaine vie sociale ou de production, que certains quartiers arrivent à se préserver ou à résister d'une certaine manière de fait à des tentatives de gentrification. Et je pensais là à l'exemple du quartier Evarts. Alors peut-être on peut un peu développer ce point-là. Oui, donc le quartier Evarts, c'est ce quartier qui se situe entre les abattoirs et marchés d'Anderlecht-Kureghem, donc autour de la station de métro Clémenceau, et la porte de Ninove, donc aussi le long du canal en fait. Et donc je parle de ce quartier, de cet espace-là dans le livre, pour illustrer en fait une réflexion sur... En fait, pourquoi certains espaces populaires de centre-ville, dans une ville comme Bruxelles ou dans d'autres, pourquoi ne se gentrifient-ils pas, en fait, hein? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que des espaces où, on pourrait se dire, sur papier, vu là où ils sont, ben, ils devraient, si la gentrification est un rouleau compresseur qui écrase tout, ben, il devrait y passer, quoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que là, ça résiste, en fait, hein? Et résiste, c'est au sens où ça ne se passe pas comme on pourrait le modéliser de manière totalement abstraite. Alors, Evarts est un exemple de réponse à cette question. En fait, la réponse étant que il ne bascule pas du côté de la gentrification, même s'il y a des projets qui vont dans ce sens-là. C'est pas tout blanc ou tout noir, mais il ne bascule pas ou pas complètement ou pas rapidement, etc. Parce qu'on a là, en particulier, une série d'acteurs économiques qui sont très fortement implantés dans ce quartier-là. Donc c'est les acteurs du commerce international de voitures d'occasion entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest depuis plus de 20 ans, qui sont là, sont eux les grands propriétaires du quartier, et ils utilisent ce quartier pour cette activité de voiture d'occasion à l'échelle vraiment internationale. Donc c'est pas quelques garages à l'échelle bruxelloise, c'est vraiment en lien avec des marchés d'automobiles au Bénin, au Nigeria. Et des voitures sont vendues à Evart, qui sont en fait des voitures allemandes, des voitures françaises, etc. Donc c'est vraiment une place marchande en fait de ce commerce, de ce bien très particulier qui est la voiture d'occasion, qui n'est pas par définition produit en usine quelque part, mais qui apparaît à différents, les voitures d'occasion, elles apparaissent à différents endroits, et puis à un moment donné, il faut les centraliser quelque part pour qu'elles puissent être ensuite achetées par des importateurs et continuer leur vie en Afrique. Et la fonction du quartier Evart, c'est ça. C'est centraliser à un moment donné pour que les acheteurs puissent venir en acheter 150 en une fois. Et donc on a là, on a ça, plus on a tout le site des abattoirs avec le marché qui a lieu le vendredi, le samedi, le dimanche. Toute la filière de la viande, les abattoirs, les boucheries dans le quartier. Donc, c'est un quartier qui est fréquenté, qui est vécu, qui est utilisé par plein de monde, en fait, qui n'ont à peu près rien à voir avec les courants de gentrification. Et c'est ça, c'est pour ça que cet espace-là ne bascule pas. C'est parce que toutes ces activités, elles ont leur sens, elles sont même rentables pour les acteurs des filières de voitures d'occasion, notamment. Elles ont leur place, elles sont intégrées à la vie de plein de gens. Hein, le marché, c'est 100 000 personnes, donc c'est plus de clients sur 3 jours que n'importe quel centre commercial à Bruxelles. Et on vient parfois de loin pour le marché des abattoirs à Clémenceau. Donc tout ça fait que, voilà, on a ce que notamment les sociologues lillois du collectif Rosa Bonheur ont appelé une centralité populaire. Une centralité populaire, c'est-à-dire un espace qui polarise, qui attire, qui est intégré dans des flux de vie quotidienne, en fait. Hein, pour s'apprivoiser, à faire ses courses, pour travailler, pour élever ses enfants, peut aller à l'école, fréquenter des associations, des lieux de culte, il y a plein d'églises aussi, enfin églises, mosquées, temples, tout ça, plus toute une série d'associations qui font du travail sur plein de domaines, l'alphabétisation, le droit au logement, enfin bref, il y a toute une série d'associations qui font que c'est un lieu central pour plein de gens. C'est ça l'idée de centralité populaire. C'est un lieu, c'est pas une périphérie du centre historique de Bruxelles. Non, c'est un lieu central pour plein de gens. Et parce qu'il est central, ben, il va pas disparaître demain, quoi. Parce que simplement, plein de gens ne peuvent pas s'en passer. Ils peuvent pas s'en passer. Et on ne peut pas déménager un quartier tout entier. On peut déménager un commerce. On peut décider que telle ou telle activité doit se faire maintenant dans un zoning le long du ring à l'extérieur de la ville. Mais on ne peut pas déménager tout un quartier ensemble. Ça, c'est strictement impossible. Et donc, voilà, c'est cette centralité populaire qui fait que Les forces sociales qui poussent la gentrification, en fait, butent sur quelque chose. Hein, les pouvoirs publics, là, ça fait 15 ans, quand même plus de 15 ans, qu'ils essayent de faire partir ces garagistes. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, parce que simplement, les garagistes, ils sont propriétaires, ils ont une activité économique rentable, ils ont tous les permis qu'il faut, ils payent leurs impôts, ils n'ont aucune espèce de pression. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils partiraient, hein? Ça marche très bien, cet endroit-là. Alors, ça fait 15 ans, il y a eu différentes mesures qui ont été prises pour essayer justement de les faire partir. La première d'entre elles étant essayer de dire, oui, tous ces garages, c'est du travail au noir, on va les contrôler, on va tous les fermer. Ben, ils ont mis une section de police particulière pour les contrôler, ils ont fait leur tour et malheureusement, 98% étaient en règle. Donc ils n'ont pas pu les fermer. Après, ils ont proposé de faire un zoning spécial pour cette activité-là, tout au nord de Bruxelles, à côté de la station d'épuration, là, presque sous le pont de Vilvoorde. Mais ils n'ont jamais trouvé d'accord avec les garagistes qui ont dit ben non, nous, pour nous, économiquement, ce n'est pas intéressant d'aller là-bas. Et en plus, on risque de perdre une clientèle qui arrive à la gare du Midi. Et de la gare du Midi à Evart, c'est même pas 10 minutes à pied. Tandis que aller se mettre tout au nord de Bruxelles, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le quartier Evart est intéressant, comme plein d'autres qui rentrent dans cette catégorie de centralité populaire. J'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans la question de la gentrification, mais en lien avec la rente foncière, les phénomènes de spéculation immobilière et de ses répercussions sur la hausse des loyers et donc, par là, à un moment donné, de l'éjection, du déplacement des populations ouvrières ou des classes populaires en général. Et de cet élément que vous parlez dans le livre qui s'appelle les théories du différentiel de rente foncière. Ok, donc c'est... Donc qu'est-ce que c'est que ce différentiel de rente foncière ? Donc c'est... Oui, c'est donc... C'est une théorie, en fait, qui n'est pas neuve, hein, qui remonte à la fin des années 70, et qui essaie d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi... en fait, qui essaie de comprendre les mouvements de l'argent dans l'espace. En fait, qu'est-ce qui fait que de l'investissement va se fixer sur tel espace plutôt à un certain moment et puis le délaisse et puis hop il va sur un autre etc. Donc un peu la géographie des mouvements du capital dans la ville en particulier. Et pour essayer de comprendre ça, l'idée de différentiel de rente foncière, c'est l'idée que ces investisseurs, ces capitalistes, ils vont être attirés par des lieux où la rente actuelle est faible, est basse, et la rente potentielle est élevée. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre une rente potentielle et une rente effective. Donc c'est quoi la rente effective ? C'est la quantité d'argent tirée du sol par son propriétaire dans l'usage actuel. Donc par exemple, vous êtes le long du canal, vous exploitez une imprimerie, par exemple. Voilà, vous avez une imprimerie le long du canal et vous êtes propriétaire de ce terrain et vous louez votre terrain à un imprimeur qui vous paye son loyer d'imprimeur. Si à un moment donné, tout est mis en place pour que sur cette même parcelle, on puisse construire une tour de luxe, de logement de luxe, en tant que propriétaire du terrain, tout d'un coup, vous voyez que la rente potentielle de votre terrain, elle est bien plus élevée que le loyer que vous faites payer à votre imprimeur. Et donc, il va avoir un intérêt terrible à dire à monsieur l'imprimeur ou madame l'imprimeur, ben voilà, on va arrêter notre collaboration ici et on va construire une tour de luxe, enfin, on va vendre le terrain, en fait, à un promoteur, à Athénor ou à Immobel ou à Bessix ou à encore un autre qui va venir construire une tour. Et donc pour comprendre cette théorie, pour la comprendre, il faut se mettre en fait dans les chaussures du propriétaire du sol, en fait. Pas de l'utilisateur qui va devoir payer plus cher à la fin, non, du propriétaire du sol. Et qui à ce moment-là, et ces zones ces espaces où ce différentiel est grand, ben, c'est des espaces particulièrement attractifs pour tous les détenteurs de capitaux qui recherchent du profit par la spéculation. En fait, un autre mot peut-être plus courant pour parler de ça, c'est le terme de spéculation. C'est-à-dire, c'est comment on fait passer de la rente effective à la rente potentielle. Comment on crée une rente potentielle et puis comment on comble l'écart et en comblant l'écart, on fait le profit spéculatif au passage, quoi. Et c'est par exemple ce que fait Extensa à Touré Taxi, donc le promoteur qui possède Touré Taxi. Il a acheté le site, il a acheté un site ferroviaire et de gare de marchandises. Il l'a acheté, voilà. Et encore, c'était une gare qui était fermée, il n'y avait plus de train qui passait. Donc il l'a acheté pas cher, en fait. Et aujourd'hui, ils revendent des logements de luxe sur le même espace. Et donc, entre les deux, il a fait un profit spéculatif énorme, en fait, qui est difficile à chiffrer, mais qui est énorme. En fonction du... Donc c'est bien le différentiel entre la rente du départ et la rente potentielle qu'il a à Touré Taxi, est devenue une rente réelle, puisque, en effet, les logements sortent de terre, ils sont en vente, et que toutes les conditions ont été créées pour que ça se passe ainsi, puisqu'il y a des plans d'urbanisme qui le permettent, il y a toute l'opération symbolique auquel Extensa, le promoteur, participe beaucoup. Hein. Combien d'événements, de festivals se passent sur Touré Taxi, et donc font que des tas de gens qui ne connaissaient pas vont connaître Touré Taxi parce qu'ils vont à la foire du livre, parce qu'ils vont à la foire des antiquaires, parce qu'ils vont voir une expo, parce qu'ils vont à Couleur Café, enfin Couleur Café c'est plus là, mais ou parce qu'ils vont à un autre truc. Voilà, ça participe de changer l'image de Touré Taxi. Ah bah oui, moi je croyais que Touré Taxi c'est un vieux truc abandonné, mais pas du tout, c'est... Que l'on est sur les bancs de l'école, on doit apprendre des trucs compliqués. L'arithmétique, la grammaire espagnole, un tas de bazar sans utilité. On nous enseigne le français, le chinois, mais on n'apprend jamais le bruxellois. Un flave paye, ça c'est un lave-cac. Un jeu de zanzi, ça c'est un pitcher's back. Un pauvre type, ça c'est un souquelaire. Un qui ziver, c'est un ziveraire. Un qui boit trop, ça s'appelle un zatlap. Un bac à ordures, ça c'est un voilebac. Un petit poisson, ça s'appelle un sproc. Un pays sans cheveux, c'est un clashcop. À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. Il devrait bien essayer rien qu'une fois de nous donner des cours de bruxellois. Un flave paye, ça c'est un lave-cac. Un jeu de zanzi, ça c'est un pitcher's back. Un pauvre type, ça c'est un souquelaire. Un qui ziver, c'est un ziveraire. Un qui boit trop, ça s'appelle un zatlap. Un bac à ordures, ça c'est un voilebac. Un petit poisson, ça s'appelle un sproc. Un pays sans cheveux, c'est un clashcop. Qui boit trop, ça s'appelle un zatlap. Un bac à ordures, ça c'est un voilebac. Un petit poisson, ça s'appelle un sproc. Un pays sans cheveux, c'est un clashcop. Vous êtes à l'écoute de Mathieu Van Krikingen sur son livre Contre la gentrification. Dans l'histoire des Marolles, vous donnez quelques exemples de résistance à la gentrification. Est-ce que vous pouvez développer donc ces différents éléments de résistance au niveau des Marolles? Alors, pour le cas des Marolles est aussi très très parlant, je trouve, parce que d'abord il illustre le quartier des Marolles. À la fois, c'est un quartier où il est évident que des processus de gentrification ont lieu. Ça se voit dans le commerce, dans les magasins notamment. Et en même temps, si on regarde les statistiques de revenus par habitant, c'est le quartier le plus pauvre de Bruxelles. Hein, c'est les Marolles qui sont le dernier dans la liste des quartiers par niveau de revenus des habitants. Donc c'est un contraste assez saisissant. Et donc c'est un quartier qui en effet subit des pressions à la gentrification très très claires et depuis pas depuis hier, hein, depuis quelques années déjà, mais qui en même temps de nouveau où il y a des choses qui font blocage au changement, hein, comme et pour des raisons assez différentes de celles qu'on observe au quartier Evart. Il n'y a pas de voiture d'occasion au Marolles. Qu'est-ce qui bloque au Marolles? Ben d'abord c'est un des quartiers centraux de Bruxelles qui fait exception à la règle qu'à Bruxelles, il y a très peu de logements sociaux, en fait. Dans les Marolles, il y en a plus de 20%. J'ai plus exactement le chiffre en tête, hein, alors que sur Bruxelles, on tourne autour de 7-8%. Donc on est entre presque trois fois plus en termes de proportion dans le quartier des Marolles. Donc vous avez un nombre très significatif de logements qui sont hors marché. Hein, c'est ça le logement social, c'est du logement hors marché. Voilà, donc là, les mécanismes de la rente n'ont pas une prise directe sur ces logements-là. Ensuite, il y a une activité emblématique, c'est le marché. Le marché, au sens, cette fois-ci, le marché de la place du jeu de balle, qui est une forme de centralité populaire aussi, c'est-à-dire qui est appropriée, utilisée par plein de gens, dont une bonne partie de personnes qui sont des classes populaires, c'est-à-dire qui trouvent toute une série de biens, de services, ou même de contacts, d'informations qui sont importantes pour leur subsistance quotidienne, je veux dire, pour leur vie quotidienne, et qui fait que ce quartier est approprié, et donc ça aussi, ça, c'est pas quelque chose qui se déplace comme ça de nouveau. On a vu au cours des dernières années des efforts de la part de la ville de Bruxelles, notamment pour transformer ce marché, tout de suite il y a une résistance qui s'est organisée, parce qu'il y a le côté aussi emblématique de ce marché, qui est aussi même utilisé, enfin où la place elle-même est utilisée comme un peu un symbole de la Belgique, hein, une partie des festivités de la fête nationale se font là. C'est les pouvoirs publics qui font ça, c'est pas vraiment les habitants. Et puis alors sur tout ça, il y a quand même toute une histoire de lutte urbaine. La fameuse bataille des Marolles de la fin des années 60, début des années 70, qui a quand même marqué très très fort les esprits et l'histoire bruxelloise, puisque c'était une première lutte, et une première lutte victorieuse pour les habitants contre des projets, à l'époque de l'État belge, d'extension du palais de justice qui allait détruire toute une partie du quartier. Et cette bataille des Marolles a redémarré il y a quelques années avec cette bataille autour du parking souterrain qui devait venir sous la place du jeu de balle, qui n'existe pas, parce que de nouveau, résistance forte, là au sens résistance organisée par différentes personnes très très ancrées dans le quartier à ce moment-là. Bref, donc il y a tous ces éléments-là de lutte urbaine, de centralité populaire, de logement social, et qui font que tout ça, ce sont des obstacles aux forces qui poussent la gentrification, et qui ne sont pas des petits obstacles qu'on peut facilement dégager, hein. C'est des obstacles sérieux. Je termine en revenant à la question du logement social hors marché. Ça montre aussi toute l'utilité du logement social. Je veux dire, si on prend au sérieux Et si on se dit la gentrification est un problème, bah, une des réponses, faites plus de logements sociaux. Voilà. Ça, Donc et ça du côté des pouvoirs publics, on entend souvent dire oui, non, on veut pas de la gentrification, mais on va pas faire du logement social non plus. Donc il y a une contradiction, puisque vous avez là un outil qui a prouvé que ça marche contre la gentrification, faites du logement social, mais non. Donc voilà, ça pose question. Ok. Pour terminer, une idée aussi qui me semble importante et que j'essaie de souligner aussi dans le livre, c'est d'essayer de sortir de cette impasse intellectuelle qui est de dire être ou réfléchir contre la gentrification voudrait dire nécessairement être en faveur du déclin, de la dégradation, de la misère, de je ne sais quoi. Bref, une sorte de fausse, d'antinomie complètement absurde entre c'est soit de la gentrification, soit le déclin, la misère, les ténèbres ou je ne sais quoi. Hein, on revient à cette idée, si vous êtes contre la revitalisation, c'est que vous avez des idées morbides en tête. Et ce qui est souvent un argument très, très régulièrement retourné en disant « Ah bah oui, donc vous critiquez la gentrification, donc vous êtes pour le déclin, etc. » Il n'y a pas plus stupide que cette dichotomie-là. Il ne s'agit pas de dire que les quartiers populaires, tout se passe bien, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Bien sûr, il y a énormément de problèmes, il y a énormément de tensions, il y a énormément de besoins sociaux qui ne sont pas rencontrés ou pas suffisamment rencontrés. Le truc, c'est que la gentrification ne répond à aucun de ces besoins sociaux-là. Au contraire, il les aggrave, hein, notamment le logement, en faisant monter les loyers, ils aggravent le problème de logement qui existe indépendamment de la gentrification. Donc le problème du logement, c'est pas que la gentrification, mais la gentrification n'est absolument en rien une solution, ça aggrave le problème. Et donc mettre une antinomie comme ça, c'est complètement stupide. Et en fait, ça a simplement l'effet de clore la discussion et de dire « je ne veux pas discuter de ça ». C'est comme quand on dit « ah, vous êtes contre le nucléaire, donc vous êtes pour la caverne et la bougie ». Voilà, ça veut dire que je ne veux pas parler sérieusement de la problème de qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie nucléaire. Donc là, c'est la même chose. En fait, c'est quand cet argument sort, c'est « je ne veux pas parler sérieusement de la gentrification, de quelles questions ça pose, etc. » Et donc, je mets un truc moral indéfendable sur la table. Et donc voilà, c'est aussi c'est une idée sur laquelle j'insiste un peu, parce que elle me semble en fait piéger beaucoup de discussions. Et il faut absolument refuser ce genre de dichotomie stupide et parler sérieusement de problèmes qui sont sérieux et sans avoir la prétention d'avoir une réponse, une solution à tout, évidemment, mais en parler sérieusement, quoi. Ok, merci beaucoup. Vous étiez donc à l'écoute de Mathieu Van Krikingen sur son livre « Contre la gentrification » et je vais désannoncer les morceaux présentés lors de cette émission. Nous avons donc écouté Christian Barbier, « Ma péniche », ensuite Picho, « Douceur de bitume », puis des Puta Madre Strictly Barrio Sound, ensuite Jeff Bloc Cult Parlons Bruxellois, et nous allons nous écouter pour clôturer cette thématique Marion et Stéphane Steyman, Marol, Marol, Marol. Oh, oi, oi, Bruxelles, tu as un drôle de touche, à quoi est-ce que tu ressembles avec toutes tes blouses, Charlie? Encore des trous, toujours des trous, les mêmes trous. Un vieux cramique qui serait rongé. Rien que des trous. Où est-ce que tu es, ma belle cité, qu'une bande de slure a dévasté? Des trous profonds, des trous sans fond, des trous partout. Un vieux gruyère, moi je te dis. Plein de trous. On t'exproprie, on t'enlaidit, moi je te dis. Pour une ceinture, une bretelle, les viaducs s'enchevêtrent devant vos fenêtres. Oui, du deuxième étage, dans le salon, tu vois la télé, hein. Dans les glaises au fond, hein. Eh ben, elle passe dans le tombeau. C'est Bruxelles, capitale de l'Europe. Oui, ben moi je te dis, hein, passons. Et ce quartier qui dort à l'ombre du palais de justice, et que certains voudraient qu'on démolisse. Mais pourquoi mettre son âme en dentelle? Pourquoi tous ces coups dans le cœur de Bruxelles? On veut te garder là. Marole, marole, marole. Faut résister. Marole, marole, marole. Et vive ton cri. Marole, marole, marole. Tiens bon, tu. Marole, marole, marole, marole, marole, marole, marole. Tu es éternel. Oh, oh, oh, oh, ma ville, on va te creuser. Jusque quand tu vas t'effondrer. Et puis des tours, à tour de main, à tour de bras. On appelle ça le top building. On ne voit que ça. Paraît que ça sert au marketing. L'îlot sacré et la grande place. Faudra payer pour s'y promener. Vraiment, quelle audace. Pourtant, c'est juste ce qu'il nous attend. Car ce sera si laid. Tout ce qui sera le restant. Et c'est Bruxelles, New York ou bien Tokyo. Ça on sait pas très bien encore, on va le tirer au sort. Ces petits pavés qu'on foule, cornets de frites et les marchands de moules, les vestiges d'un folklore qui s'écroule. Il ne faut pas que tout ça disparaisse, sous les prétextes. Il faut que tout progresse. Guerre au marteau un peu piqueur, hein. Marole, marole, marole. Guerre au promoteur. Mariole, mariole, mariole. Mais dans tout cœur. Parole, parole, parole. On est en fait. Marole, marole, marole, marole, marole, marole, marole. Faut sauver Bruxelles. C'est vrai, un ton quartier, hein. Avec tes caricoles, ouais, et tous tes espagnols. Oh, oh, oh, oui. Et le dimanche, tout est branlé, tout. Ah, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, tu l'as déjà dit. Mais que viennent seulement maintenant ici avec le bazar, hein, pour démolir ici. Attends un petit peu. Et moi, je vais rue de la loi démolir aussi le bazar. Attention, hein. Je vais aussi le faire des trous quelque part, hein. Attention, hein. Mais pas dans leur façon, hein. C'est dans leur budget. Né. Alors moi je vais essayer de faire une petite transition avec le livre de Mathieu Van Krikkegem dont vous venez d'entendre l'entretien mené par Titi et Dylan, et je vais faire une petite transition en vous racontant l'histoire de ce qui m'est arrivé hier. Alors hier j'ai été faire la visite de mon propre quartier de Kureghem en compagnie de deux associations qui connaissent très bien les lieux et qui sont revenues sur l'historique de l'implantation de l'industrie du textile dans le quartier du Triangle à Kureghem. On a reparlé un petit peu des abattoirs d'Anderlecht et puis ensuite on est passé du côté de Eivart et du marché des voitures d'occasion. Et en fait, lors de cette visite, effectivement, Mathieu Van Krikkegem disait dans l'entretien donc qu'un des leviers de résistance contre la gentrification du quartier Eivart, c'est le marché des voitures d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent les lieux, ils travaillent dans le quartier dans lequel ils habitent. Ils sont propriétaires de leurs habitats. Alors, ça, c'est effectivement une force de résistance qui, jusqu'à présent, fonctionne contre la gentrification du quartier Eivart et du quartier du Midi, de manière générale, d'ailleurs. Mais hier, j'ai appris lors de la visite qu'en fait, les concessionnaires automobiles de voitures deuxième main étaient en train de se poser la question d'une certaine transition. Donc, en fait, ils ont tellement subi de pression pour faire dégager leurs voitures d'occasion à la périphérie de Bruxelles que petit à petit, ils ont résisté, mais aujourd'hui, ils se posent la question de la transition. Tiens, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire à la place? Et en fait, une des réponses, c'est l'immobilier. Donc, ces concessionnaires de voitures sont en train de se dire, ah oui, mais en fait, il y a tout un marché immobilier à développer dans ce quartier, dans le quartier Evart. Et donc, nous allons suivre cette voie-là, sans doute. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas trop de résistance. Il y a moins de résistance qu'avant. Et la cause en serait cette espèce de transition et donc cette capacité d'adaptation. Donc, cette capacité d'adaptation, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, le livre que moi, je vais vous présenter maintenant s'appelle « Contre la résilience ». Et ce que j'ai entendu hier pendant la visite, c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. C'est-à-dire que la résilience, on en entend parler tout le temps, à tort et à travers, de plus en plus, dans les médias, à chaque fois que quelqu'un est traumatisé, à chaque fois qu'il arrive une catastrophe, nous parlons soit de personnes résilientes, soit de peuples résilients. Bien sûr, ça implique cette capacité de résilience, donc ça implique cette capacité individuelle à s'adapter, et donc c'est vraiment l'illustration de la loi des plus forts, hein. Il y a ceux qui y arrivent, il y a ceux qui n'y arrivent pas, mais il faut être résilient, il faut être capable de s'adapter, et même d'aller plus loin après le traumatisme, après le désastre, ou quand on est poussé, quand on est sous pression, il faut pouvoir s'adapter au monde qui change. Bon, voilà. Du coup, je trouvais que ça faisait la transition avec l'entretien que vous venez d'écouter, et donc je suis très heureuse de vous présenter maintenant le livre de Thierry Ribaud, qui a été édité aux éditions de l'Échappée en 2021, au début de cette année, et qui s'appelle « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs ». Take a poof, make it. d'entendre Élastique de Charlotte Gainsbourg, qui est un morceau qui illustre de manière un petit peu décalée le propos donc du livre de Thierry Ribaud contre la résilience à Fukushima et ailleurs aux éditions de l'Échappée et qui est sorti en début de cette année 2021. Je vais vous lire maintenant quelques extraits du livre pour que vous vous rendiez bien compte de la teneur du propos. Page 28. La résilience, une inquiétante lignée. La résilience tire son héritage sémantique et cognitif, autant dire idéologique, de la science des matériaux. Le bois, pour les traverses de chemin de fer, au début du XIXe siècle, puis les métaux, notamment pour la guerre, au début du XXe siècle, étaient dits résilients pour leur capacité à absorber de l'énergie sous l'effet d'une déformation ou d'un choc, avant de revenir à leur état initial. Conformément à l'invasion des sciences sociales et de la société elle-même par l'enivrement thérapeutique, la même notion sera mobilisée à partir des années 40, puis de plus en plus fréquemment, et deviendra un concept de psychosociologie positive, servant notamment à caractériser, dans la société américaine en quête de solutions de changement, des jeunes issus des milieux pauvres se comportant de manière non destructrice, à savoir capables d'échapper au chômage chronique, à la toxicomanie et aux naissances hors mariage pour les jeunes filles, sachant tirer avantage de toute occasion pour s'améliorer, et porteurs de caractéristiques rédemptrices, familles peu nombreuses avec des naissances espacées, bénéficiant de l'attention d'une personne bienveillante et détenant les ferments d'une profonde foi religieuse. Page 43. Résilience de la résilience. Des voix moins ailées s'élèvent pourtant contre les usages idéologiques de la résilience, comme s'il pouvait en exister d'autres. De nombreux travaux ont mis en évidence ses liens structurels avec le néolibéralisme et le fait qu'elle donne priorité à l'adaptation permanente du sujet au détriment de la remise en cause des conditions de sa souffrance. Pour la sociologue Eva Hughes, le concept de résilience ne doit pas être utilisé pour faire accepter la violence de la société ultra-compétitive. Et à Thierry Ribaud de dire « J'essaierai pour ma part » de montrer en quoi il ne doit pas être utilisé tout court. Alors en ce qui concerne la petite note pour les liens entre la résilience et la société capitaliste, c'est effectivement Eva Illouz qui a écrit un livre qui s'appelle « Saving the Modern Soul, Therapy, Emotions and the Culture of Self-Help » à Berkeley, Université Californie, en 2008. Page 62. Ainsi conçue, comme l'art de se sauver soi-même, elle semble parfaitement adaptée à des scénarios de catastrophe de moins en moins contrôlables, car elle rend possible un transfert d'imputabilité de la société à l'individu. Et ainsi, un transfert de l'analyse des causalités vers le champ de la perception et de la représentation subjective. Ce faisant, ignorer l'objectivité des catastrophes revient à ignorer les mécanismes auxquels les sujets obéissent pour tenter d'y faire face. Extrait ici, page 78. Vêtue de sa blouse blanche thérapeutique, elle est, dans les faits, une antithérapie. technique de chirurgie esthétique, de reconstruction capable de fabriquer un portrait robot de cette réalité sans visage post-catastrophique, faisant de la balafre du Joker un sourire de clown au nez et à la barbe de la réalité comme elle va, au lieu de faire naître à la conscience les causes refoulées de la souffrance dont elle nourrit la bénédiction. La résilience perpétue en chacun la dépendance vis-à-vis de l'inconscience, en donnant des espoirs de justice et en affirmant, les choses ne pouvant qu'aller de mieux en mieux, sa foi en l'avenir. Niant le négatif, refusant d'en tirer les conséquences, les élateurs de la résilience font preuve de ce que j'appellerais une négaphobie. Ici, page 119, ce que Robert Proctor et d'autres historiens et sociologues des sciences ont appelé la science non faite, Undone Science, constitue un vecteur primordial de la production d'ignorance organisée. Donc ça, c'est toute une partie de son bouquin, il parle de la production de l'ignorance organisée. Avec cette science qui, compte tenu de l'état des savoirs relatifs aux conséquences d'une catastrophe donnée, devrait être théoriquement réalisée, mais qui ne l'est pas. L'ignorance peut revêtir une forme absolue caractérisée par une absence pure et simple de connaissances, ou une forme relative liée à l'étroitesse de la connaissance existante, qui peut elle-même être due à l'insuffisance d'éléments de preuve ou à la faiblesse de celles disponibles. Dans un cas comme dans l'autre, s'opère une réduction systématique de son objet d'étude. Et un dernier petit extrait, page 195. Au fond, les encouragements à l'autoprotection et à la participation que le spécialiste de l'accommodation et autres apôtres du dépassement prodigue sans réserve reviennent à ceci. Ce n'est qu'en se comportant de manière rationnelle, c'est-à-dire en soumettant sa vie intérieure et extérieure à un contrôle absolu, qu'on a une mince chance de satisfaire aux exigences irrationnelles de l'existence dans un monde qui nous menace. Cela signifie donc que l'on s'adapte. Être rationnel ne veut pas dire que les personnes exposées au danger mettent en question les conditions irrationnelles dans lesquelles elles se trouvent, mais qu'elles en tirent le meilleur parti en les dépassant. La contamination étant devenue partie intégrante de notre avenir, nous devons désormais indifféremment nous prémunir contre elle, comme nous le faisons contre les crues des fleuves, la fureur de l'océan, l'inclémence du ciel et les accidents de la route. Tiens, tiens, tiens. Alors maintenant, je vous propose d'écouter une espèce de petite variation sur le thème de la résilience. Souviens-toi, Noël 2020. On était invité à dénoncer nos voisins s'ils ne respectaient pas la distanciation sociale. Tu vois, on s'adapte à tout. Tu ne dois pas t'inquiéter. Nous sommes tous et toutes capables de nous adapter. Et toi aussi. C'est une particularité de notre système. phagocyter les forces contraires pour s'en nourrir. Et aujourd'hui, nous en sommes capables également. Oui, nos corps sont à l'image de ces objets mous qui reviennent toujours à leur forme initiale. L'idée est un peu étrange, mais c'est vrai. Ne pleure pas. Quand tu y penses, face à l'agression et à la menace, on est capable de remettre en question nos intuitions et même nos convictions les plus profondes. Mais c'est pour le bien collectif, c'est bien. Une vraie régénérescence. Puiser nos forces dans les catastrophes et comprendre que toute catastrophe est naturelle, oui, oui. Oui. Fukushima aussi, oui. C'est un tsunami qui a percuté la centrale. Grâce au développement personnel, à la pleine conscience, grâce aux outils d'intelligence collective, nous sommes capables d'intégrer l'adversité. C'est intéressant. Tomber pour se relever plus haut qu'avant. Ça s'appelle la résilience. C'est la plus puissante création de notre système. Elle va nous permettre, à tout jamais, de ne former qu'un seul organe qui se nourrit de ce qui le tue. Ne pleure pas. Pense à une personne cancéreuse qui se nourrirait de son propre cancer. Imagine-toi des métastases qu'il suffirait de placer les unes en face des autres pour qu'elles s'entrechoquent et se stabilisent, ou qu'elles se mangent entre elles. Un système qui s'autorégulerait parfaitement et où les forces qui menaceraient son existence finiraient toujours par raisonnablement se plier ou par s'affronter entre elles. Il n'y a pas d'alternative parce que nous n'en avons pas besoin. Dis-toi que l'agression n'existe que parce que tu la crées. Tu es l'origine. Nous sommes tous des agresseurs potentiels. Ne sois pas choqué. Toi aussi, tu seras capable de te remettre en question, de ne plus entraver la marche de l'histoire, pour qu'enfin le grand rêve d'une société autogestionnaire autocontrôlée advienne, où tout le monde se rallierait au bien commun, sans violence. Un monde parfait. Tu ne comprends toujours pas ? Fais-moi confiance. Tu n'as plus confiance. Ne sois pas paranoïaque. Tu n'es pas comme ça, non. Aïe. Aïe, ça c'est rien. C'est rien. C'est ma piqûre, ouais. Oui, j'ai très mal au bras, mais... J'ai très mal au bras et à la tête, mais c'est mon choix. C'est mon choix, voilà. Tu vois, au début, j'étais contre, comme tout le monde, mais face au bien commun, j'ai pas résisté. J'ai dit oui. J'ai dit « Yes, I can !» Parce que je suis solidaire. Pas toi. Attends, je coupe mon bras. Il me fait trop mal. Mais il repoussera de toute façon, c'est pas grave. Il repoussera. Un objet ? Oui, je suis un objet, mais un objet subjectif. Je ne suis plus, donc je sais. Je suis juste ce fil qui relie mon corps et ma tête. Cet élastique qui se tend, se détend, qui s'adapte, se déforme et revient sur lui-même. Seul ? Oui, je suis seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, n'est-ce pas ? Tu ne dis plus rien ? Allô ? Elle les vêtus d'un fichu noir. Son nom apparaît à l'endroit dans le miroir. Venez d'écouter le morceau Le Modèle du groupe LEM. Alors il faut que je vous dise quand même que le livre Contre la résilience à Fukushima et ailleurs porte bien son nom. En fait, tout le propos part quand même, même si je n'en ai pas fait mention juste avant, tout le propos porte quand même sur les constats faits autour du désastre de la gestion de la catastrophe de 2011 à Fukushima. Et loin d'éviter les propos qui fâchent, Thierry Ribaud s'attelle vraiment pour expliquer la fabrique de l'ignorance qui sert d'appui à la posture de la résilience indispensable à la stabilité de notre système mortifère. L'émission de ce soir est bien dense et nous vous proposons dès lors de la réécouter soit ce vendredi à 21h sur Radio Air Libre sur le 87.7 ou par la suite en podcast sur le site des Lapins Électriques, lapinselectrique.blogspot.com et également sur le site de Tranche d'Anard qui nous fait le plaisir de poser le podcast tranchedanard.noblog.org. Alors, l'industrie à la Pinothèque, c'est tous les derniers mercredis du mois, à 20h30, et en rediffusion les vendredis qui suivent à 21h, sur Radio Air Libre, 87.7. La prochaine sortie d'Istro la Pinothèque, en poil et en os, c'est au Bunker, ce mercredi prochain, juste là qui vient, le 6 octobre, à partir de 18h. Alors, le Bunker, c'est rue des Plantes 66A, c'est tout près de la gare du Nord. Et nous ferons une rencontre qui se renouvellera à partir de ce moment-là, tous les premiers mercredis du mois, avec d'autres distros et des fanzineux diverses et variées. Discussions et concerts prévus à l'affiche.